Tout de suite, sur France Culture, une proposition de Perrine Kervran avec Marie-Vonne Abolivier, LSD, la série documentaire. 55 minutes de radio coups humains, un thème et 4 épisodes à 17h et même à 23h. Cette semaine, Psychiatrie, la folie ordinaire, une série de Johanna Bedeau réalisée par Angélique Thibault. Au départ de cette série, il y a ce qui est devenu le parent plus que pauvre de la médecine et ces confinements qui ont tapé durement sur nos esprits et réveillé chez certains la folie qui est en nous tous. Alors pour commencer, les personnages. Une femme comme un arbre mort, un homme qui a pété les plombs, un fils qui est en deuil, un homme qui allait mal et un jeune homme qui pèse ses mots. Ensuite, le décor. Des enfances, des souvenirs, des électrochocs, des morts et des résurrections, un voyage en voiture, des hospitalisations, des boîtes de gâteaux, des inquiétudes et des cris, et le regard des autres. Aujourd'hui, premier épisode, on suit une courbe. La part de folie en nous. Si on faisait une courbe, moi j'ai toujours essayé de faire la courbe de ma vie, c'est pas une courbe ascendante ou descendante, c'est une sinusoïde, donc avec des hauts, des bas, et qui avance en se tournant sur elle-même, c'est-à-dire qu'on revient au même truc, et puis dans la tête ça tourne de cette façon-là, ça tourne. Bon, les crises maniaques, moi j'en ai eu, mais pas jamais très très fortes, sauf deux fois où ben, ça a déliré, quoi. J'entendais des choses qui n'existaient pas, j'ai vu des choses que j'ai jamais vues, j'ai entendu la pluie, elle n'est jamais tombée, j'entendais les nazis qui montaient par l'escalier, il n'y avait personne, c'est infernal, quoi. Ça fait beaucoup souffrir. Moi, en fait, les phases maniaques, c'est insupportable pour les autres parce qu'ils comprennent pas. On peut pas dire ça va pas bien ou c'est pas. C'est au-delà de ça. On peut même pas s'exprimer sur ce qui vous arrive. C'est un truc. Ça fait c'est comme un cyclone, quoi. Il y a des secousses comme ça. Puis après, ça fait des régions dévastées, quoi. Mais c'est vrai que les bottes des nazis, je les ai entendues et que j'étais terrorisée par ça, parce qu'il fallait que je m'en aille, quoi. Et j'arrivais pas à partir. Je pouvais pas partir, c'était impossible pour moi de partir. Et en fait, je faisais des bagages. J'ai fait des bagages. Pour les amis, je faisais des cadeaux. Et pour les ennemis, je mettais en sac poubelle. Puis j'ai crié très fort, un cri. Eh bien, j'étais accroché à un petit arbuste. J'ai mangé un peu du végétal, j'ai mangé un peu de terre pour être aussi en rapport avec la planète. Et j'étais en face du monastère dominicain de Rio, qui se trouve dans le quartier de Lemé. Et moi, j'avais pris le Lemé pour le petit véhicule lunaire, le Lemé. Vraiment, j'étais ailleurs, hein, mais je le vivais. Quelle est la vision de la folie dans notre pays aujourd'hui? En 2019, en France, un peu plus de 420 000 hospitalisations en psychiatrie sont déclarées. Pour chacune d'elles, c'est le début d'une longue trajectoire. Ce parcours patient, du trouble jusqu'à la stabilisation, de la demande aux soins, est bien souvent compliqué. Quelle place pour les émotions, les angoisses, les désirs, les douleurs? j'essayais de les prévenir que le feu nucléaire allait arriver, ou que j'étais là le seul capable de prévenir, ou en tout cas de sauver la planète entière. Ce sont les voitures de police qui m'ont amené à l'hôpital. Et dans cette voiture de police, il y avait un côté grillagé, et sans lumière d'ailleurs, j'étais mis dans le noir, et j'ai commencé à me dessaper aussi. Et quand je suis arrivé, ils ont ouvert le coffre, j'étais à poil, en disant « je veux mourir nu ». J'allais y passer, voilà. Et heureusement, ils m'ont sédaté, et j'ai dormi 3 jours. Enfin, on délire, oui, non, mais ça vient... Moi, je pense que ça vient de là. C'est une façon de s'exprimer profondément, quoi. Grand-père. Comme quand on crie, quoi. Mais c'est des cris qui peuvent être muets, mais c'est des cris du corps. Ça vient du plus profond des entrailles, quoi. Il faut nous présenter sans le moindre retard. Tu me prêchais sans cesse de ne pas avoir peur. Pour mon mal, je te crus. Patiente bien stabilisée. Wow. Moi, les délires, j'avais un délire de toute puissance. On parle avec Dieu. Oui, avec Noé. Exactement. J'arrêtais le déluge, voilà. Je revins au néant. Oh, que ta compagnie me rende moins dolente. Le verre aux yeux, ça faisait du bruit, mais en fait, il a battu. C'était des pluies acides et qui me faisaient mal aux os. Je vois des gens. Je pénétrais dans les eaux. Je visage. Les os, quoi. Hein, qui pénétraient dans les eaux et, ce sont là et des qui faisaient très très mal. Avec qui tu seras et que sans rechigner, tu devras supporter. Cette douleur-là, eh ben, c'était une douleur profonde qu'on pouvait pas exprimer autrement qu'en criant. Je n'ai dans ma mémoire pas de quoi le compter. Si la mer était d'encre, elle n'y pourrait rien. Mon enfance est une enfance presque d'autrefois. j'ai été élevé à Verrières-le-Buisson, qui est une petite commune à l'époque de la banlieue parisienne sud, dans un parc où est le siège, depuis 1815, de ma famille et de l'entreprise Villemorin-Andrieux. Les fameux marchands Grenier, qui avaient un magasin aussi à Paris, quai de la Mégisserie. Et j'ai vécu dans cette espèce de bulle magique, parce que c'était la nature. Une fois l'école finie, on allait jouer dans le parc, mes frères et sœurs et moi, et Verrières a participé à mon rétablissement. Mais dans mon enfance, j'ai vécu un traumatisme énorme, c'est que mon père est décédé alors qu'il avait 39 ans et demi et que j'en avais 7. Et mon père était quelqu'un d'exceptionnel. Il avait cette fulgurance qu'il a beaucoup donnée en très peu de temps, en tout cas pour moi, et sa perte, j'ai mis quasiment 50 ans à m'en remettre. Et c'est certainement ce traumatisme qui est l'entrée de cette hypersensibilité ou de cette petite vulnérabilité dans laquelle mon esprit s'est engouffré pour aboutir à la fracture que j'ai vécue plus tard. Vous avez quel âge aujourd'hui ? Moi j'ai 65, j'ai eu 65 dimanche là. Ouais. Donc voilà. Vous avez quoi comme parcours vous ? Ben moi, j'ai été à 22 ans malade, c'est-à-dire que, en fait, j'ai été hospitalisée surtout à l'âge de 22 ans, mais j'étais malade avant, hein, j'avais des signes de grande agitation, de grands moments dépressifs, de grande excitation, et puis à un moment, j'ai pu supporter de vivre avec ça. Ça a été insupportable pour moi, pour les gens avec qui je vivais, et ça a fini par une hospitalisation, quoi. C'était devenu urgent, quoi. Voilà. J'ai été hospitalisé à peu près une cinquantaine de fois, mais à chaque fois, c'est entre deux jours et deux mois. Et la plupart, c'est peut-être une semaine. Et il y en a où c'était moi qui étais OK. Alors, patient qui inquiète beaucoup sa famille, très tendue, désorganisée, hostile. À un moment, j'ai trouvé un lieu d'hospitalisation qui me convenait. Mais pas en rupture de traitement. C'était plutôt OK, sans que ce soit parfait. Des prodromes d'une décompensation, point. Et où j'ai commencé un peu à faire des directives anticipées en psychiatrie, en tout cas du plan de crise et de la préparation d'hospitalisation, parce que c'était pas trop compliqué. C'était à Paris, c'était prénom.nom@aphp.fr. Donc je regardais qui était le chef de service ou le médecin et je disais « Ok, je vais venir à l'hôpital pour telle raison, je vais avoir besoin de ça, il faut me faire faire ça, pas ça. » Donc par exemple, il faut me forcer à aller en permission de sortie, sinon je risque de rester enfermé dans mon lit. Par contre, il faut me laisser quand même dormir le matin parce que j'ai besoin de me reposer. Me laissez pas rentrer par exemple dans le bureau infirmier avec... Non, pas ça, j'ai pas envie de le dire. J'ai besoin de pouvoir bosser mes cours, mais à telle heure vous me dites ça suffit parce que sinon je vais y passer la nuit, ou j'ai besoin d'aller à mes rendez-vous chez le kiné, je veux continuer mes rendez-vous avec le psychologue, ou alors je galère à fond avec mes papiers administratifs, ça me fait aller hyper mal, il faudra que j'ai un rendez-vous avec un assistant ou une assistante sociale. Et où du coup, ça, il y avait un truc de deux pages Word qui était écrit, que je leur envoyais avec des couleurs, des priorités, des machins. Et où je pense que c'était à partir d'il y a peut-être 7 ans, un truc comme ça. Et où ils avaient ça avant, et c'était écrit noir sur blanc. Et c'est dans un moment où ça allait encore à peu près. C'était un truc où il y avait que de l'hospitalisation libre. Sauf si vraiment ça allait absolument pas, et dans ce cas ils nous transféraient à un autre hôpital, mais ça m'est jamais arrivé. Et où j'étais, ok, j'ai besoin d'arriver le vendredi soir et de repartir le lundi matin. Et c'est comme ça, et la plupart du temps ils acceptaient. Et nous sommes rentrés quand même en Boeing, avec la petite bulle, là, comment il s'appelait, le 747, je crois. Donc, retour à domicile depuis première classe, Air France. Une très longue période d'hospitalisation, tolère bien le nouveau traitement, bien adapté dans la reprise de son quotidien. Voilà. Ça m'a... Mais ce n'est qu'en rentrant donc, en France... Je me souviens mal des jours. L'éclairement solaire ternissait les couleurs, écrasait. Des nuits, je me souviens. Le bleu était plus loin que le ciel. Il était derrière toutes les épaisseurs. J'ai vraiment commencé à plonger, sérieusement. C'était encore les vacances, donc c'était fin août. Je suis rentré une semaine après, vers le 8 ou 7 août. Le 10 même, je ne sais plus. Et je suis allé chez ma mère qui passait quelque temps en Bretagne. Et là, nous avons fait Bretagne, Rueil-Malmaison, en voiture la nuit, sans un mot. Elle au volant avec une certaine conduite sportive. Mais il fallait que je sois hospitalisé parce que j'allais très très très mal. Sur ce trajet, vous avez parlé de votre souffrance ? Alors, non. Ce qui était tout à fait exceptionnel chez ma mère, c'est que elle était là. Et que ça m'a suffi. Elle et moi, je vous vois mes parents, enfin, je la vous vois et je vois mon beau-père. C'est une éducation un peu à l'anglaise. Les enfants doivent être... vu mais pas entendu, never complain, never explain, c'est pas toujours très très folichon. Et elle était concentrée à la conduite, parce que nous avons fait ce trajet en peu de temps, pas un mot, mais je savais que j'allais arriver et que j'allais recevoir les soins dont j'avais besoin. C'est à cause des voix dans ma tête. Ils parlaient trop. Maintenant, c'est moi un peu. Maintenant, oui. Elles disent quoi, ces voix ? Elles disent... Elles disent quoi ? Ben... Je te laisse tranquille, elle dit comme ça. D'accord. Ouais. Moi, le nom de mon maladie, c'est quoi? C'est... On m'avait dit l'autre jour, j'ai oublié, je ne me rappelle pas. C'est trouble. Trouble. Vous souffrez d'un trouble schizophrénique. Trouble schizophrénique. Phrénique. Phrénique. Phrénique. I. Phrénique. Phrénique. Et la première électrochoc que j'ai eue, ça a été une vraie libération, quoi. C'est un des plus beaux jours de ma vie, un des plus beaux matins de ma vie. Parce que, vous voyez, l'étau s'était desserré comme ça. La seule chose dont je me souviens, c'est l'anesthésie dans la gorge, comme ça. Le froid que ça a été, le plaisir. Déjà, l'anesthésie, ça a commencé par un réveil, si je puis dire. Un réveil des sens, quoi, parce qu'on n'a plus de... En mélancolie, comme ça, on n'a plus de sens, on n'a plus rien, quoi. On est un arbre mort, quoi. Vous voyez? Donc là, ça a commencé comme ça. Puis après, ça a été le réveil. J'ai rien senti, et ça a été le réveil. Et ça a été un réveil... une réincarnation, si je puis dire, une résurrection, réincarnation dans un corps, quoi. Parce que la psychiatrie, c'est une affaire de corps, hein, beaucoup. La maladie mentale, ça passe par le corps énormément, quoi. Vous voyez ? Moi, j'en ai eu deux séries. Le premier, ça a été un truc incroyable, et ça m'a permis de sortir, ça m'a permis de revivre, quoi. Vous voyez, ça paraît fou, hein. Et on vous envoie quoi, des décharges? Oui, c'est une décharge électrique qui... Oui, c'est une décharge électrique, hein, entre les deux temps. Puis c'est un courant électrique qui brouille, enfin qui doit agir sur le système nerveux qui est électrique et puis qui... C'est-à-dire que ça rétablit un état vers l'extérieur, quoi. Ça rétablit quelque chose qui remarche, qui se met à refonctionner, le métabolisme, vous voyez, qui se remet à refonctionner normalement. Parce qu'en mélancolie, tout s'arrête, quoi. Vous voyez? On a envie de mourir? Ah oui, oui, il y a des idées. Oui, oui, on a envie de mourir, oui. C'est-à-dire que mourir, c'est le soulagement, quoi. Ça serait le soulagement, quoi. Et moi, j'ai eu vraiment une jeunesse brisée parce que j'ai jamais pu reprendre mes études, j'ai jamais refait quelque chose de. Enfin, ça m'a enlevé des capacités. Je crois vraiment que c'est... il faut s'en remettre de tout ça, quoi. Hop. Alors, faut que je vous fasse signer un papier. Signe mon papier. Oh là là, mon pauvre. Tout ça, il vous demande. Voilà. Nathalie Gilou. Voilà, ce beau mec, c'est lui qui était dans un contexte délirant. Il avait menacé quelqu'un. Menacé dans la rue, hein? Non, pas dans la rue. Où ça? Chez moi. Les policiers qui sont venus. Je me suis embrouillé avec eux. Après, ils ont cassé la porte et ils sont rentrés. Et ils étaient venus pour quoi, les policiers? Pour moi, pour me chercher. Pourquoi? Les voisins, ils sont pleins de... Parce qu'ils criaient le soir. Ils jetaient des trucs par la fenêtre et tout. Les voisins, ils ont appelé. C'est ça. La police est intervenue. Oui. C'est eux qui m'ont emmené à Vinatier. Voilà, c'est comme ça. La police. Ouais. Alors, il y avait aussi une de nos préoccupations... C'était l'état d'hygiène de votre logement. On était inquiets, là, donc Madame l'évêque et puis Madame Savoldelli qui sont venus voir. J'ai rendez-vous avec elle chaque midi. Parce que vous m'aviez alerté, puis c'est vos infirmiers qui m'avaient alerté un peu sur les mauvaises conditions d'hygiène du logement, les difficultés à le tenir propre. Ouais. Hein? Et non, donc, Claire, vous avez confirmé que c'était pas... Oui, effectivement, on était très inquiets. C'est pas propre. Hein. Ouais. Vous n'arrivez pas à tenir la maison. Et puis même dans... J'arrive même pas à savoir pourquoi il fait comme ça. C'est un blocage, je ne sais pas c'est quoi. Parce qu'on est venu plusieurs fois avec Mme Savoldelli, et c'est vrai que la dernière fois qu'on est venu, on était un peu plus inquiets parce que c'était... alors le ménage, il est parfait, effectivement. Ouais. Et en plus, là, c'était les déchets qui étaient très présents dans l'appartement. Et l'alimentation aussi qui avait beaucoup changé avec les boîtes de gâteaux. Oui, c'est ce que je mange. Ouais, vous mangez que des gâteaux. Vous ne videz pas les poubelles? Non. Pourquoi? Je ne sais pas. Il faut vider les poubelles, monsieur. Ouais. Qu'est-ce qui se passe? Je ne sais pas. Parce qu'avant, ce n'était pas à ce point-là, effectivement. Avant, oui. Comment ça se fait, monsieur, que vous ne videz pas les poubelles? Expliquez-moi. Je ne sais pas comment vous expliquer. Allez-y. Parce que ça n'a pas d'explication. C'est un blocage, je ne sais pas pourquoi. Qu'est-ce qui bloque? Qu'est-ce qui fait que ça bloque? J'ai envie de tout faire, vous savez, faire le ménage et tout ça. J'ai envie de faire et après, je ne fais plus rien. Et pourquoi? Je ne sais pas. Vous n'avez plus envie? J'ai plus l'envie, oui. Vous n'avez plus l'envie? Oui, plus l'envie d'être bien, quoi. Vous perdez le goût de la vie et puis d'améliorer votre environnement. Oui. Vous êtes sombre? Je suis quoi? Sombre? Triste? Ouais, un peu rouge. Un peu? Oui. Qu'est-ce qui vous rend plus sombre en ce moment? C'est le passé, c'est ce qui m'est arrivé, je ne sais pas où j'en suis. Qu'est-ce qui dans le passé vous a le plus éprouvé? C'est dur à dire? Bien sûr, oui. Allez, dites-nous-le. Qu'est-ce qui vous bloque à ce point-là? Des soucis. Hein? Les soucis. Les soucis lesquels? C'est de mon passé. Ouais, lesquels? La mort de ma mère, les enterrements, et tout ça, ça me chamboule la tête. La mort des proches, ouais. Ouais. Et encore? Elle est morte à l'hôpital. Ouais, elle est morte de quoi? Elle a fait un AVC. D'accord. Ils l'ont transportée. Ouais. Ils l'ont gardé à l'hôpital jusqu'à sa mort. Ouais. Vous étiez attaché beaucoup à bien cette sûr, maman? Bien sûr, ma mère vivait avec. Vous viviez avec, vous étiez très proche d'elle. Ouais, elle s'est beaucoup occupée de vous? Oui, bien sûr, oui. Et moi, je me suis occupé d'elle parce qu'elle était malade. Ouais. Et c'est moi qui lui ai donné des médicaments et tout ça. Elle est morte en quelle année déjà? En 2016. Ah, ouais. C'est à partir de là que vous êtes rentré à l'hôpital. Avant, il y avait un équilibre qui se... Oui. Ça se tenait avec la maman. Oui, j'étais bien. Ouais. Jusqu'à ce que ça arrive, quoi. Ouais. Vous étiez fragile quand même avant. Bien sûr. J'espère ne plus y être. J'espère ne plus y être. Vous pouvez pas sortir toute seule, quoi. Je parlais plus, j'étais complètement fermée sur moi-même, enfermée quoi, enfermée en moi-même et enfermée. Et en fait, j'ai passé l'hiver et le début du printemps là, l'automne et l'hiver, et puis jusqu'au début du printemps, jusqu'en mars, enfermée, où j'étais en haut d'un pignon, la porte était fermée de l'intérieur quoi. Il y avait une voisine qui était là, qui était une espèce de grande fille, une espèce de géante, et qui disait tout le temps, on lit dans mes pensées. Et en fait, moi, j'étais mélancolique au sens où c'était la perte, quoi, la perte profonde de quelque chose, de sentir abandonné, avoir perdu profondément quelque chose. Et d'être inconsolable. Et j'ai été hospitalisée à l'hôpital de Maison-Blanche, qui est un hôpital psychiatrique en face de Ville-Évrard, qui est un immense truc. Et là, ça a été horrible, parce que j'étais avec des patients qui étaient chroniques, qui étaient là depuis 35 ans, vous voyez, des gens complètement perdus, quoi. perdus pour eux-mêmes, perdus, voilà, société perdue, complètement perdue, quoi. Et moi, je me suis retrouvée avec des gens, et en fait, je confondais les gens les uns avec les autres. Je prenais quelqu'un pour ma sœur, je prenais quelqu'un d'autre pour mon frère, ou je prenais quelqu'un pour un ami, un vieil ami ancien que j'avais pas vu depuis très longtemps, et je le revoyais incarné dans quelqu'un d'autre. Vous étiez traité comment ? Vous étiez bien traité ? Oui. Ah oui, oui, non, on n'était pas maltraité. Non, les infirmiers étaient gentils, mais ils n'avaient aucun moyen. C'était le... Vous savez, la psychiatrie, c'est vraiment le parent pauvre de la médecine. Donc là, c'était vraiment le parent pauvre de la psychiatrie. Il n'y avait aucun moyen, il n'y avait rien, quoi. Et... Mais on était... Non, non, on n'était pas maltraité. Moi, j'ai été en isolement, à l'isolement au début. C'est-à-dire, c'était une chambre, un lit, un seau. Voilà, c'était ça, l'isolement. Je suis restée 3-4 jours, mais en fait, ils mettent à l'isolement parce qu'ils considèrent que c'est une protection. C'est pour vous protéger de vous-même et de vous protéger. Et c'est pas faux, en quelque dans un sens. Mais moi, j'ai pas été attachée, par exemple. J'ai jamais été attachée, jamais été, on m'a jamais violentée, quoi. Physiquement, en tout cas. Voyez. Alors, compte rendu concernant monsieur patient qui va bien actuellement, se conforme bien aux soins, pas de trouble de l'humeur, pas de trouble délirant, s'est pris en main pour ses soins physiques, doit être appelé pour le traitement de sa hernie ombilicale, point. Prend soin aussi de sa dentition, point. Bon équilibre en famille, point. Pas d'éléments d'inquiétude, prochain rendez-vous 2 août à 16h30, poursuite du traitement habituel. Compte rendu concernant monsieur patient qui inquiète beaucoup sa famille, très tendu, désorganisé, hostile, n'est pas en rupture de traitement, mais manifeste des prodromes d'une décompensation, point. Devant l'inquiétude de la famille et très probablement une forte consommation de toxiques, nécessité impérative de le revoir dans la semaine et d'évaluer si besoin l'indication d'une nouvelle hospitalisation en réintégration de soins contraints. Ensuite, compte rendu concernant monsieur. Donc, retour à domicile depuis un mois après une très longue période d'hospitalisation. Tolère bien le nouveau traitement, bien adapté dans la reprise de son quotidien. Point. À noter, problème de chaussures orthopédiques, n'a pas fait de démarche pour aller les récupérer. Paraît assez désorganisé néanmoins pour ses démarches. Point. Ensuite, compte rendu concernant madame. Ça tourne. Le séjour, le premier séjour de 3 semaines m'a vraiment fait redescendre. Enfin redescendre, je sais pas si c'était redescendre. En tout cas, j'allais mieux en sortant. Je me sentais moins mal, quoi. Et donc j'ai vu un psychiatre tous les mois. Pardon. Je suis en médecine, en fac de médecine, et moi j'ai pas rencontré peut-être les bonnes personnes, ou je sais pas, en tout cas j'ai pas su chercher du soutien quelque part, et j'ai bien pété les plombs, quoi. Est-ce que vous paniquez ? Est-ce que vous vous dites... Ok, je fais ça. Après, moi, pendant tout ce temps-là, j'ai juste envie de mourir, en fait. C'est juste ça, en fait. Et je repousse, quoi. Il n'y a pas de... Je panique, ma vie, c'était de la merde. J'avais pas... Ça me... Alors, j'espérais même pas, en vrai, je peux... Voilà. Et ça change un peu, quoi. Au fur et à mesure, quoi. Pendant quelques mois, j'en refais semblant, quoi. Et si, j'allais plus vraiment en cours, je comprenais plus vraiment grand-chose à ce qui se passait, tout ça. Et puis, puis après, j'ai eu plusieurs allers-retours à l'hôpital, etc., quoi. Et comment vous les vivez, ces moments-là? Alors, je pense que globalement, la plupart de mes hospitalisations, elles sont libres. Je veux dire, on me propose l'hospitalisation et j'accepte. C'est comme ça que ça s'est passé la plupart du temps. Et voilà. Cependant, je ne suis pas contre les hospitalisations sous contrainte, on pourrait dire. Enfin, je veux dire, il y a des moments où on n'est pas capable de choisir pour soi, hein, c'est sûr. Enfin, une personne qui arrive en grande crise, ben, il ne faut pas lui dire « Ah non, mais vous délirez !» Si on n'entend pas que ce qu'elle dit, c'est vrai, ben, ça ne va pas, en fait. Ce qu'elle dit, c'est vrai pour elle. Donc, si on doit entendre quelqu'un, bah, on peut pas. Alors après, on peut aussi travailler ensemble pour faire changer d'avis ou voir les choses autrement. Hein, mais quand quelqu'un souffre et vous parle, en général, ce qu'il dit, c'est vrai, quoi. Au moins pour lui. Moi, on m'a, à part une fois, jamais dit mon diagnostic en face. À chaque fois, j'ai demandé mes comptes rendus d'hospitalisation, mes dossiers médicaux. Je vais avoir une pile énorme où il y a des choses pas forcément très intéressantes dedans, en tout cas pas intéressantes pour la plupart. Et c'est dans les comptes rendus où il y avait écrit les diagnostics auxquels ils pensaient. Pas de changement de traitement, NF, OK, ordonnance. Sauf une fois où c'était un diagnostic qui me correspondait absolument pas du tout, mais ils voulaient me filer un médicament, donc ils avaient décidé qu'il fallait qu'ils me disent ce diagnostic. Et du coup, bah, en fait, il n'y en a aucun où je me reconnaissais forcément dedans, et tous un petit peu. Et donc, c'était pas non plus simple. Après, finalement, il y en a un ou plusieurs qui me correspondent, mais c'est pas... Enfin, voilà, c'est après 14 ans, 15 ans passés en psychiatrie, et c'est depuis un an, peut-être, quelque chose comme ça, où je me dis, OK, bon, c'est clair, et je sais, quoi. Pourquoi vous n'osez pas le dire? Qu'est-ce qui fait quand on le dit pas? Parce que c'est quand même, ça reste toujours stigmatisant. Ouais, ça, il y a des troubles qui sont hyper stigmatisés et par rapport à d'autres. Bah, là, en ce moment, par exemple, la bipolarité, c'est devenu plus entre guillemets hein, sexy que la schizophrénie. La bipolarité, on est moins dans cette personne, elle est hyper dangereuse, etc. C'est toujours un peu le cas, mais moins au fur et à mesure. Alors que dans les journaux, dans les médias, on entend toujours un schizophrène a fait tel truc horrible. Alors que clairement, les personnes avec des troubles psy sont beaucoup moins dangereuses que pour les autres, que pour elles-mêmes. De votre travail, vous lit. Qu'est-ce que vous aimez? L'autre moitié du temps. En fait. Ouais. Oui, c'est un siège à bascule. Qu'est-ce que je fais à côté? Déjà, j'ai mes rendez-vous médicaux, donc il me faut aussi du temps dans la semaine pour pouvoir y aller. J'ai rendez-vous avec psychologue ou psychiatre et avec kiné parce que j'ai aussi des douleurs chroniques. Du coup, ça fait que bah, j'ai aussi deux rendez-vous kiné par semaine, plus un rendez-vous psychologue toutes les deux semaines, plus un rendez-vous psychiatre tous les mois, plus un rendez-vous généraliste tous les trois mois. Et donc, voilà, ça fait que bah, ça prend du temps. Après, bah, je vois des amis. Je vais faire des balades au parc de la Tête d'Or qui est à côté, on va se voir à la maison, on va faire soit du dessin ou promener le chien d'un d'entre eux, Voilà, parfois on se fait. À un moment, on se faisait des ateliers MDPH, genre tout le monde doit remplir son dossier MDPH, et du coup, c'est parti, on le fait tous ensemble. Qu'est-ce que c'est un dossier MDPH ? Donc la MDPH, c'est la maison départementale des personnes handicapées. Et du coup, c'est à cette institution qu'on va envoyer un dossier, je crois qu'il fait 30 pages à peu près. Il y a aussi un point, c'est que les médecins n'ont pas le temps de remplir correctement les dossiers MDPH, parce que ça prend 2 heures à peu près, enfin en gros, hein. C'est entre 1h30 et 2h30 en fonction du dossier. Et donc on faisait aussi du pré-remplissage pour les médecins, et donc du coup en chopant le certificat médical et en mettant à l'intérieur ce qui nous semblait pertinent avec un langage relativement médical, en l'envoyant au médecin et en disant vous modifiez ce que vous voulez, mais du coup vous avez la base, et voilà, et parce que sinon en fait si le dossier il est tout pourri, celui qui est fait par le médecin, bah c'est pas accepté. Et donc c'était aussi ça, et c'était se dire mais si t'as besoin de ça, parce que bah en fait tu le vois pas, mais là si tu quand tu vas au boulot ensuite t'as besoin de dormir pendant 3 heures parce que t'es au bout de ta vie, ou alors mais bien sûr t'arrives à marcher 20 mètres si t'as pas de fauteuil roulant, demande un fauteuil, que t'as besoin d'un fauteuil roulant, et oui t'as des douleurs quoi, c'est pas normal. Plein de pensées, enfin m'habiller, c'est difficile. Maintenant, je mange beaucoup mieux. Je fais encore un peu attention à comment je mange, mais ça va beaucoup mieux. Mais je dirais que je suis encore obsédée par mon poids, mon apparence. Enfin, c'est toujours une obsession, en fait. Animal, j'étais comme un animal. Et j'appelle ça un cri du corps, quoi, d'ailleurs, parce que le cri du corps, c'est une histoire de corps, quand même. On est mal, on grossit, on se trimballe. Du coup, je suis tombée malade lorsque j'avais 13 ans et demi. J'étais en quatrième et je suis tombée malade dans l'anorexie mentale. C'est une. Bah, je dirais que c'est. Enfin, déjà, c'est une maladie mentale. C'est quand on n'arrive plus à s'alimenter normalement, qu'on se restreint. Et ça a plein d'impact partout, en fait. À la fois sur nous, sur notre corps, sur notre santé, sur donc notre santé physique, notre santé mentale. Puis aussi, ça a un impact sur la famille, en fait. Donc, c'est une maladie qui touche un peu tout dans notre vie. Pourquoi vous dites que c'est une maladie mentale ? Bah parce qu'il y a vraiment une souffrance mentale. C'est... En fait, quand je suis tombée dans l'anorexie, j'ai d'abord fait un régime. Mais moi, je me suis pas rendu compte, je savais pas que j'étais malade. Et on m'a dit, on m'a diagnostiqué, on m'a dit, t'es anorexique. Enfin, moi, je savais même pas ce que c'était comme maladie. Et pour moi, au début, c'était pas une maladie mentale. Enfin, juste, je mangeais pas et je me restreignais pour perdre du poids. Parce que je me trouvais grosse, je me sentais mal dans mon corps. Et je me suis restreint. Et en fait, le cerveau, enfin, c'est hyper rapide parce que j'ai commencé à me restreindre. Enfin, ça a duré 2 mois et. Moi, il fallait que je mange à 19h15. Si c'était pas 19h15, je mangeais pas. Ou je pouvais faire une crise, pleurer, des choses comme ça. Et donc, en fait, on réapprend. Oui, voilà. Et donc, au début, ça fait souffrir. C'est pas plaisant. Mais ça m'a énormément aidée. Du coup, aujourd'hui, je m'en fiche. Enfin, que je mange à 20h30 ou à 21h. Mais ouais, c'est... Vous savez, adolescent, souvent on se cache, mais là, ça prend. Là, c'est vraiment. C'est pour ça que je dis que c'est mental, c'est vraiment des pensées. Plus fort que ça, on est. Voilà, on se traîne, quoi. Et le corps se transforme, et moi, j'avais pris du ventre, par exemple, et j'avais un ventre tel qu'on me pensait que j'étais enceinte. En fait, j'étais pas enceinte du tout, c'était un ventre. C'était dû. Je sais pas trop quoi, une espèce de grossesse imaginée, un truc. C'était une histoire avec mon père, avec la famille, quoi. Ça vient d'une histoire de famille, hein. Voilà. Et en fait, quand j'ai eu mes délires, mon père était mort et ça a été comme une libération en même temps, le délire, vous voyez. Parce que moi, je pense que les délires, c'est vraiment un truc de soi. C'est-à-dire que c'est la vérité, pour moi, c'est la vérité de soi. C'est quelque chose qui vient du plus profond de soi et qui, après, fait comme un geyser et sort comme un geyser parce qu'on n'arrive pas à dire simplement ces choses-là et on est obligé de passer par ces états à côté de la vie, parce que c'est même plus de la vie, pour s'exprimer, parce qu'on n'arrive pas à s'exprimer autrement. L'ombre avait maintenant gagné toute la plateforme. C'était déjà celle de la colline. L'ombre du hêtre et celle de la maison, elle, était tout entière basculée dans le gouffre. La vallée, le village, la mer, les champs sont encore dans la lumière. Des bandes d'oiseaux, de plus en plus nombreuses, s'échappent de la colline et tournent, folles, dans le soleil du vide. Verrières, c'est encore une époque où je ne suis pas allé à la crèche. J'ai commencé l'école à 6 ans. Et je crois que je suis dernière génération de personnes qui peuvent dire ça. Donc j'ai connu ça s'appelait le jardin d'enfants, je crois, la 12e, la 11e et compagnie. Et je n'étais pas un brillant sujet. J'étais dans une moyenne convenable. Nous avions les cours et les leçons le lundi, et puis nous travaillions ce qui nous avait été donné à étudier le matin. Et avec les 7, l'après-midi, nous étions libres. Nous jouions dans le parc quand il faisait beau, ou alors dans la cuisine, et on faisait des jeux de construction avec le Lego. Mais c'était toujours vivant, toujours animé. Et ça m'a fait comprendre que cette joie de vivre, elle ne m'était pas due, pas du tout, mais elle compensait un peu la perte de mon père. Et j'ai vécu Verrières comme un surcroît. Je le vivais d'autant plus intensément qu'il y avait cette absence, parce que je vivais au même endroit où il avait été. Mais grâce à mes cousins, j'étais un enfant heureux, ça, j'ai pas de doute. Et ma scolarité, j'apprenais. Je n'étais pas réfractaire à l'étude. Mais j'ai une bonne mémoire. Quelquefois, j'apprenais mes leçons un peu à la dernière minute. Il y avait pas mal de fouillis sur mon bureau. J'étais pas très organisé. La vie, oui, bien sûr, se prolonge. J'ai essayé de faire des études qui ne sont pas tout à fait bien terminées. Je suis parti effectuer mon service militaire. Après le service militaire, j'ai gagné un peu d'argent pour partir au Brésil. Et je voulais y rester, mais on ne part pas sans ses valises. On croit qu'on les laisse en France et elles vous rattrapent. Et 10 mois au Brésil, c'est comme... ça a été un creuset, parce que je cherchais... c'était une sorte de... oui, de quête. Je voulais rouvrir le robinet qu'il y avait entre ma tête et mon corps. Je trouvais que c'est une phrase de Fromentin, Eugène Fromentin, dans son livre Dominique. Parce qu'il dit « J'assistais à ma vie comme à un spectacle donné par un autre. » Et quand j'ai lu ça, je me dis mais c'est moi. Il faut que je sache... au Brésil, c'est pas un pays de contraste. Le Brésil, c'est un pays d'extrêmes qui se touchent. Et ça, pour quelqu'un de sensible comme je l'étais, enfin, je l'ai découvert à corps-défendance. C'est que ça m'a la cocotte n'a pas explosé, mais la vapeur est sortie d'un coup. Et c'est ça, finalement, la maladie. Je crois que j'avais rentré les choses et qu'elles n'ont pas pu sortir par les voies usuelles. Et la crise de délire a été d'une puissance. Alors, j'ai vraiment eu l'impression, je le vivais en plus physiquement, de sauver le monde. J'avais eu 23 ans en juin 1983 et ma crise a eu lieu en fin juillet 1983. Je venais d'avoir 23 ans. Mais vous voyez, votre mère, elle nous a appelé et elle était inquiète aussi. Elle était beaucoup inquiète. Elle, vous voyez vraiment, vous n'étiez plus le même. Ouais, c'est vrai, quand je suis. Vous étiez vraiment en rupture avec votre état antérieur. Ouais, je suis en autre dimension, en fait. Je suis dans une autre dimension. Voilà, c'est ça. Voilà. Je communique avec un monde sphérique invisible ou je sais pas quoi, mais en tout cas, je vis l'expérience. Moi, je vis l'expérience de la maladie. Oui. Je l'ai cherché depuis longtemps, depuis petit. J'ai toujours voulu être différent et être. Quand je voyais les malades parler tout seul, etc., oui. Quand j'étais petit, j'ai toujours dit un jour, j'aimerais bien être comme lui pour voir ce qu'il y a dans sa tête, ce qui se passe dans sa tête, avec qui il parle, pourquoi il rigole. Et je me suis intéressé à faire de la psychologie, etc. Et c'est ça qui m'a poussé à connaître l'humain. Et je ne savais pas qu'un jour, j'allais devenir, entre guillemets, malade. Voilà. Touché par cette maladie. Oui. Le cerveau humain, il est très complexe et en fait, c'est comme il fait un reset en fait. Il essaye de trouver une solution, il n'arrive pas, du coup, il bug. Voilà. Après. Moi, clairement, c'est ça qui m'a le plus... Enfin, je peux pas dire ce qui m'a le plus aidé, parce qu'en vrai, les trois quarts du chemin que j'ai fait, j'en suis inconscient. Enfin, je peux pas dire c'est à tel instant que ceci s'est passé, quoi. Enfin, ça me venait récemment, là, je pensais à ça. Je me disais, il serait quand même plus malin de sortir finalement la psychiatrie de la médecine et lui donner un seul principe, primum non nocere. En premier, ne pas nuire. La première ligne du serment d'Hippocrate. Voilà. Ça devrait être le socle de la médecine. Voilà. On passe par ce service où on vous accueille. On vous demande ce qui va pas, etc. Et après, parce que le soin en psychiatrie, enfin, en fait, j'en sais rien. Comme si je savais ce qui soigne et tout ça. J'en sais rien. Je sais que, soigner, ça commence par ne pas faire de mal, quoi. Voilà. Ça me paraît un bon début. Malade. J'ai à refuser d'être malade. Parce qu'on dit que vous êtes malade. On dit, c'est ça, vous êtes malade. C'est pas... On dit, vous êtes malade. Et moi, je refusais d'être malade. Je considérais que c'était moi. Je faisais pas la différence. C'est ça qui est délicat, c'est de faire la différence entre soi et la maladie. Qui est soi? Où ça commence? Quelle est la frontière entre les deux? La maladie, soi. Et il y a un moment, on sait plus très bien. Et après, on se détache de ça. On comprend que. Ben, on n'est pas qu'une maladie, quoi, aussi. On est une personnalité qui se greffe sur une maladie. Non, moi, je dirais que là, ce qui s'en va pas, c'est-à-dire que vous êtes poreux. La bipolarité, c'est poreux. On est poreux, on reçoit tout l'extérieur vers l'intérieur. On reçoit toutes les souffrances du monde, par exemple, on est ultra sensible à ça, ça vous met vraiment dans un état de détresse, quoi. Vous voyez, vous partagez la détresse et puis vous êtes tourné vers les choses quand même un peu négatives. Enfin, moi, je sais que je suis tourné vers les choses C'est un peu dépressif. Moi, je suis plus dépressive que maniaque, quoi. Vous voyez ? Vous avez été heureuse ? Vous avez... Oui, ça m'est arrivé de temps en temps, mais c'est vrai que j'ai pas l'impression d'avoir une vie heureuse. Non, j'ai pas l'impression d'avoir connu... Si, à 17 ans. Vous voyez, j'ai, pour moi, le plus beau souvenir que j'ai de ma vie, c'est à 17 ans. Avant que tout ça m'arrive, quoi. À 17 ans, j'étais bien. Des efforts, quoi. Une vie d'efforts, quoi, je dirais. Une vie vraiment d'efforts, toujours pour être au-dessus de l'eau. La part de folie en nous. Avec Brigitte, Mathieu de Villemorin, Nathalie Gilou, Mathieu, Lola, Li, Monsieur T, Monsieur H, Monsieur G, Claire, les soignants du CMP de Villeurbanne. Extrait d'une consultation de thérapie familiale dirigée par Noël Pompuy. Merci à toute l'équipe du CMP de Villeurbanne, à la Maison des Usagers de Sainte-Anne, à Noël Pompuy et à la famille de Lola. Lecture des textes Aurélia Petit. Extrait d'un vague extrêmement précis de Marguerite Duras. Merci à Marianne Bowie, merci à la documentation de Radio France, à Annie Signoret de la Bibliothèque centrale de Radio France. Prise de son, Benjamin Thuo, Laurent Macchietti, Jean-André Gianecchini. Mixage, Bernard Laniel, un documentaire de Johanna Bedeau et Angélique Thibault pour la série documentaire. LSD pour aujourd'hui, c'est terminé. Bibliographie, lien ou pour nous écouter à l'hôpital psychiatrique, c'est sur la page de l'émission sur franceculture.fr. Et les pages, c'est Marie-Bonne à Bolivier, Mathias Magie et Annise Signoret.